Vous êtes à l'écoute du territoire. Entre la canopée de la riche forêt boréale et la toile vaporeuse du ciel nivéal, une harde de caribous voltige et emporte dans son sillage les souhaits d'enfants assoupis. Dans ce conte de Noël, l'arbre résineux et le cervidé règnent sur les bois, vigoureux d'une vitalité à la crête. Mais hors des songes juvéniles, le vieux conifère et le caribou solitaire sont en péril. Je suis Renaud Chicoine McKenzie et cette semaine, à CISM 89.3, le chemin creusé par des géants. La rivière Péribonka, qui déverse son flot dans le lac Saint-Jean, est aujourd'hui l'objet d'un projet d'air protégé. Toute activité industrielle sera interdite aux abords d'un segment de la Péribonka, afin de favoriser la sauvegarde du caribou forestier, de laisser intactes des vieilles forêts et aussi de permettre le développement d'un écotourisme responsable. Pour l'industrie forestière, qui est omniprésente dans la région, cette aire protégée représente avant tout une perte de bois exploitable. Entre tractations politiques et coupes intempestives, le lobby forestier est prêt à jouer gros pour défendre ses intérêts. Un reportage de Paul Fontaine. Ce n'est pas une rivière. Péribonka, c'est un chemin creusé par des géants à même le roc. Quelques mots pour évoquer 1000 images. Dans Koukoum, l'écrivain et journaliste Michel Jean parle de la rivière Péribonka comme d'une nature indomptable et sauvage qui nous libère de l'horizon. Les berges à la Péribonka sont d'importants refuges de biodiversité et le corridor visuel tracé par les hautes falaises en fait l'un des fjords les plus majestueux du Québec. La harde de caribous forestiers du Pitmuacan, en fort déclin, vient s'y reposer pendant que les pygargues à tête blanche, désignés espèces vulnérables, établissent leur nid dans les grands arbres qui bordent la rivière. Des peuplements de bouleaux jaunes, dont l'âge vénérable et la rareté dans cette région épate, complètent ce panorama fluvial. Avant de terminer sa course dans le lac Saint-Jean, la Péribonka franchit 4 barrages hydroélectriques sous l'œil de l'industrie forestière qui convoitent les vieilles forêts attenantes. Mais aujourd'hui, après une lutte que des Janoises et des Janois mènent depuis plus de 12 ans, un projet d'air protégé sur un segment de la rivière Péribonka est en voie de se concrétiser. Il y a des paysages absolument exceptionnels sur la rivière Péribonka. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un fjord. Ève Tremblay est originaire du lac Saint-Jean et connaît la rivière Péribonka depuis plus de 50 ans. Mais la rivière Péribonka est particulière. Parce que la rivière Péribonka, là, quand les gens qui la descendent, la rivière Péribonka, ils ont vraiment l'impression d'être dans une nature encore sauvage. Il n'y a pas de route. Pour préserver cet aspect sauvage et ce calme, Ève Tremblay a fondé en 2010 le comité de protection de la rivière Péribonka. Sur un segment de 80 km situé entre le complexe hydroélectrique Péribonka 4 et celui de la Chute du Diable, elle et son groupe proposent d'instaurer une aire protégée afin de conserver la riche biodiversité qui s'étale de part et d'autre de la rivière. Alors, il y a un 80 km particulièrement, là, et c'est ce 80 km-là qui fait partie de l'aire protégée. Et à partir du lac Chitogama au sud jusqu'aux fourches de la rivière Manouane au nord. Donc, c'est un 80 km où il n'y a pas de barrage, où il y a vraiment une biodiversité très exceptionnelle. Hein. On a 3 espèces menacées. Le caribou, des bois, le pigargue à tête blanche et le campagnol des rochers. Et on a... La harde de caribou forestier du Pipmoakan occupe un vaste territoire de près de 30 000 km² et dont la limite ouest est justement la rivière Péribonka. Or, la population du Pipmoakan est en fort déclin, qu'on estime à 21 % au cours des 10 dernières années. Environ 225 individus survivraient aujourd'hui et la population peine à s'agrandir. Le taux de mortalité des faons est très élevé, notamment parce que la prédation par le loup est de plus en plus forte. Les perturbations causées par l'activité humaine, notamment l'industrie forestière, favorisent l'arrivée du loup dans cette région. C'est pourquoi, entre autres, instaurer une aire protégée le long de la rivière Péribonka serait bénéfique pour le caribou forestier. Le pigargue à tête blanche, qui niche au sommet des grands arbres qui bordent la rivière, de même que le campagnol des rochers, tirerait profit qu'aucune activité industrielle n'ait lieu dans ce secteur de la Péribonka. Et on a dans cette section-là aussi des écosystèmes forestiers exceptionnels. On a des peuplements de bouleaux jaunes les plus nordiques du Québec qui sont des... Ces peuplements de bouleaux jaunes, également nommés bétulés jaunes, sont de rares vestiges de la fin de la dernière période glaciaire, il y a de cela plus de 10 000 ans. Un climat plus doux aurait mené à une migration des bouleaux vers le nord, puis le refroidissement des derniers millénaires les aurait cantonnés en quelques pochettes le long de la Péribonka. Certains spécimens ont plus de 125 ans d'existence et sont les derniers témoins de ce qui composait autrefois la forêt boréale. Les conditions écosystémiques uniques de la Péribonka expliquent en partie la survie de ces bétulés. Faire de la Péribonka une aire protégée empêcherait donc toute activité forestière, minière et hydroélectrique dans le secteur visé. En revanche, cela permettrait de développer le secteur du tourisme de plein air. Donc, au niveau du développement écotouristique, parce que dans notre région, on a un créneau d'excellence en écotourisme et tourisme d'aventure, et cette rivière-là se prête très, très bien à ce genre d'activité-là. Et elle garde vraiment un cachet sauvage, et c'est ce que les gens apprécient. Parce que la rivière, on peut la naviguer, disons, en canot, en kayak, on peut faire des descentes à partir du débarcadère de Péribonka 4. Moi, je l'ai fait plusieurs fois en canot. Et c'est absolument magnifique comme parcours, parce qu'à différents endroits de la rivière, on a justement des sites d'intérêt, que ce soit par exemple les peuplements de bouleaux jaunes, que ce soit des caractéristiques de la topographie qui sont tout à fait particuliers. Canot et kayak, camping, randonnée pédestre, toutes des activités de plein air qui peuvent se faire dans le respect de la rivière. Dans sa première mouture, le projet d'air protégé d'Ève Tremblay ciblait une zone de 3 km de chaque côté de la Péribonka. En fait, le premier projet qu'on avait présenté, c'était en 2012 environ, c'était le même segment de la rivière. Mais on avait proposé un 3 km de chaque côté de la rivière pour aller inclure ce qu'on appelle le bassin versant immédiat. C'est les petites rivières, les ruisseaux jusqu'au premier lac. Quand en 2017, le ministère de l'Environnement a repris le projet pour le réaliser, le concrétiser, il nous avait demandé à ce moment-là d'en réduire la superficie pour qu'il soit plus acceptable. Bon, plus acceptable, ça voulait dire plus acceptable pour l'industrie forestière, évidemment. La nouvelle proposition concerne aujourd'hui le corridor visuel de la Péribonka, c'est-à-dire une zone de 1,5 km de largeur sur chaque rive. L'aire protégée imaginée par Ève Tremblay s'est donc fait amputer de la moitié de sa superficie. Puis en 2020, le ministère de l'Environnement annonce l'ajout d'une trentaine d'aires protégées, atteignant ainsi la cible symbolique de protection de 17 % du territoire québécois. Or, des voix s'élèvent, notamment parce que ces nouvelles zones sont situées dans le Grand Nord, au-delà du territoire forestier légalement exploitable. En parallèle, 83 projets situés au sud de cette frontière, dont celui de la Péribonka, n'ont pas été retenus. Puis, coup de théâtre. En septembre 2021, Il y a eu une annonce de la part des deux ministres de l'Environnement et des Forêts qui ont déclaré officiellement qu'il y aurait création d'une aire protégée sur la rivière Péribonka. Ça faisait suite là, à toute une saga qui avait duré tout l'été concernant une coupe forestière qui devait se faire dans un secteur de la rivière qu'on appelle la baie des Gardes. Alors, tout l'été, écoutez, il y a eu des articles dans les médias nationaux. Bon, il y avait de la tordeuse, mais c'était pas dramatique, loin de là, mais c'était vraiment un prétexte qu'utilisait le ministère des Forêts là, pour aller couper dans ce secteur-là. En septembre, les deux ministres annoncent la création d'une aire protégée. Bon, il y avait quand même plusieurs intervenants qui faisaient partie du comité, entre autres les Inuits de Mashtoyat. Il y avait le comité régional de l'environnement, il y avait le traîneau d'excellence, hein, écotourisme et tourisme d'aventure, les deux ministères impliqués, ministère des Forêts, ministère de l'Environnement, et un organisme de bassin versant. Mais autour de cette table, une absence se faisait sentir. Le comité de préservation de la rivière Péribonka, le groupe qui avait initié ce projet, en était exclu. Donc, tous ces représentants-là faisaient partie du comité, mais pas le comité de sauvegarde de la rivière Péribonka. Et à un moment donné, dans la presse, il y a eu un article disant pourquoi le comité de sauvegarde n'avait pas été inclus, et c'était suite à des pressions politiques qui provenaient de la région. Alors, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit dans notre propre région. Ça a été dénoncé. Cette enquête de la presse, parue en octobre dernier, révèle qu'un groupe d'élus municipaux qui avait été appelé à siéger sur ce comité régional avait demandé l'exclusion des initiateurs du projet. Autre ombre au tableau, plusieurs de ces élus représentent un territoire qui ne touche même pas à la rivière Péribonka ni à la zone d'air protégée. En novembre, la conférence des préfets, le groupe d'élus municipaux en question, annonce se retirer du projet. Puis le 14 septembre dernier, le ministre de l'Environnement fait volte-face et invite les idéateurs du projet à la table. Moi, j'ai rencontré les préfets qui étaient à l'origine de ces pressions-là pour finalement s'apercevoir qu'on avait tous la même vision de la mise en valeur de la rivière. Alors, eux, il y avait une mauvaise information comme quoi on voulait créer une aire protégée stricte où on ne pouvait absolument plus rien faire, ce qui était tout à fait faux, là. Et finalement, on s'est aperçu qu'on avait la même vision, une protection du couloir visuel de la rivière, mais avec une possibilité de mise en valeur écotouristique. Alors, à partir de là, je veux dire, il n'y avait plus de problème, mais on travaillait tous dans le même sens. Il n'en demeure pas moins que derrière ces tractations politiques, c'est la défense de l'industrie forestière qui se jouait. Instaurer une aire protégée le long de la rivière Péribonka représente une perte nette du volume de bois potentiellement exploitable dans la région. Et pourtant, c'est dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il se consomme le plus grand volume de bois rond au Québec, soit 5,7 millions de mètres cubes, un nombre qui surpasse de loin toutes les autres régions du Québec. Il faut bien comprendre la situation qu'il y a dans la région. L'industrie forestière occupe beaucoup de place. C'est une industrie quand même importante pour la région. Et les élus de la région ont jusqu'à présent été beaucoup axés sur l'industrie forestière comme disons, créneau de développement dans la région. Bon. Et ils mettent souvent tous leurs appuis dans ce panier-là, l'industrie forestière. Malheureusement, ça se fait là au détriment de la diversification économique de la région. Et il va falloir que les mentalités s'ouvrent, notamment au niveau des élus, pour accepter qu'il y a des aires protégées dans notre territoire aussi, parce que même si on est la plus importante région forestière, il reste que dans notre région, il y a aussi de la biodiversité à protéger. Et toutes les régions du Québec vont contribuer pour atteindre ce 30 %-là, puis il va falloir que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean fasse sa part aussi. En 2020, le dossier des aires protégées a fait couler beaucoup d'encre. Le fait que 83 projets situés dans la zone forestière légalement exploitable n'aient pas été concrétisés a soulevé plusieurs doutes quant à la volonté du gouvernement québécois à assurer la protection du territoire. En particulier, des enquêtes journalistiques menées par la presse et Le Devoir ont révélé que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a tenté de bloquer plusieurs propositions d'aires protégées sur lesquelles travaillait le ministère de l'Environnement. Puis là-dedans, ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait un certain nombre de ces aires-là qui étaient déjà des aires protégées. Le ministère avait accepté, en Outaouais, il y avait 4 aires protégées qui avaient déjà, en principe, un statut d'aires protégées. Donc, le ministère des Forêts a même renié la parole donnée. Et clairement, c'était idéologique. Louis Bélanger est ingénieur forestier et professeur retraité à l'Université Laval. Il constate lui aussi que lorsqu'il est temps de choisir entre l'exploitation forestière et la conservation de la biodiversité, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs avait plus souvent qu'autrement tendance à opter pour l'option économique. L'information qui est disponible nous indique très bien que le ministère des Forêts avait, encore là, la nouvelle direction du ministère avait décidé qu'il ne voulait plus accepter aucune baisse de possibilités forestières, possibilités de coupe. Et donc, tous ces projets-là, qui avaient des impacts sur la possibilité, bien, ont décidé d'une façon unilatérale de les refuser dans presque la totalité. Il donne en exemple le cas de massifs forestiers situés entre la rivière Péribonka et le réservoir Pipmoakan, directement situés sur le territoire du caribou forestier. Ces trois massifs forestiers jouissaient d'une protection temporaire et interdisant tout abattage d'arbres. Or, en 2019, alors que le ministère de l'Environnement planchait sur le projet d'aire protégée de la Péribonka, le ministère de la Forêt a décidé d'abolir ces mesures de protection, rendant ici disponible 460 km² de bois pour l'industrie forestière. Or, c'est l'activité humaine qui est la principale cause expliquant le déclin du caribou forestier. Ce qu'on réalise, c'est que c'est lorsque l'exploitation forestière arrivait, que les réseaux routiers arrivaient, que les mines s'établissaient, que les populations de caribous disparaissaient parce que les jeunes ne réussissent pas à survivre. Ils ne réussissent pas à survivre parce que le taux de prédation est trop fort. Et donc, il y a plus de loups, il y a plus d'ours. Et là, on se dit, pourquoi qu'il y a plus de loups, qu'il y a plus d'ours? C'est parce qu'on a rajeuni la forêt, il y a plus de rignots. Alors, ayant plus de rignots, ça permet de nourrir plus de loups qui, à ce moment-là, tombent dans les populations de caribous qui sont plus faciles à chasser. Alors, c'est cette changement de paysage forestier. Ce qu'on appelle, c'est qu'on prend un grand massif de forêt mûre où le caribou réussit à survivre avec le loup, mais là, en rajeunissant la forêt, en transformant le paysage d'une forêt mature en jeune forêt, là, on a un paysage de ce qu'on appelle plus d'orignal. Mais ce qu'on veut gérer, c'est le taux de perturbation. Ce qu'on sait, là, le problème du caribou, c'est moins son problème de se déplacer dans les territoires perturbés ou même de s'y alimenter qu'on favorise la présence des prédateurs et on crée ce qu'on ne veut pas créer, c'est des pièges à caribous où le territoire forestier devient tellement petit que la probabilité qu'un loup attrape un caribou devient très grande. Dans les faits, le côté forêt a pris préséance sur le côté conservation à tous les niveaux, caribous, aires protégées, autochtones. Alors qu'il devenait évident que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ne parvenait pas à remplir à la fois son mandat de gestion de la ressource forestière et son mandat de protection du territoire et de la biodiversité, celui-ci a été scindé en deux. À la suite de l'élection provinciale de cet automne, la forêt a été attribuée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, alors que la faune et les parcs ont été envoyés au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Eve Tremblay voit d'un bon œil cette refonte ministérielle. C'est sûr que, écoutez, la modification au niveau des ministères est une bonne chose parce que la faune qui était au ministère des Forêts, je veux dire, c'était en contradiction totale avec le mandat des Forêts puis le mandat de la faune. Alors oui, ça a été une bonne décision que le gouvernement a pris là de dissocier ça puis d'envoyer la faune avec le ministère de l'Environnement. C'est beaucoup plus cohérent comme ça là, parce que autrefois l'ancien ministère des Forêts était toujours pris entre l'arbre et l'écorce, protéger la possibilité forestière ou bien protéger par exemple le caribou. Et c'est toujours l'industrie forestière qui l'emportait, parce qu'il y avait une valeur économique importante et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lobby de la part de l'industrie forestière. Pour sa part, Louis Bélanger est un peu plus sceptique. C'est le même parti politique qui est resté en place. Donc, toujours, est-ce qu'on peut, même si la faune est allée au ministère de l'Environnement, est-ce que c'est suffisant pour que le gouvernement décide de prendre des décisions économiques quand même difficiles pour protéger le caribou? On peut l'espérer. C'est clair qu'avec les nouveaux ministres sont arrivés des nouveaux cabinets, puis il y a certains sous-ministres qui ont été changés, mais il y a une partie de la vieille garde qui est toujours en place. Mais c'est clair, c'était connu, ce qu'on appelait la haute direction, ce que Richard Desjardins appelait le bunker. Mais la responsabilité politique en reste quand même au ministre Dufour à l'époque. Et le ministre semblait avoir l'appui du premier ministre. Alors donc, même si on avait une autre direction qui semblait pousser, elle le faisait sous l'autorité de l'ancien gouvernement. Lorsqu'il est question de protection des milieux forestiers, le cas du caribou vient immédiatement à l'esprit. Il n'en demeure pas moins que la forêt boréale est très riche en biodiversité, une biodiversité qui n'est même pas encore tout à fait connue et comprise des scientifiques. De comprendre ça, parce que justement, un savoir, c'est tellement faible sur ce sujet-là. Puis en soi-même, le problème des vieilles forêts, c'est tellement hétérogène au sein de ce qu'on trouve au sein des vieilles forêts, que c'est encore, on est vraiment encore au début de cette compréhension-là. Même si Maxence Martin est professeur en écologie forestière appliquée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il s'intéresse notamment à certaines zones de la forêt boréale québécoise qui sont dites des vieilles forêts. En fait, les vieilles forêts, très globalement, sur un plan écologique, c'est le stade final de ce qu'on appelle la succession forestière, donc le développement d'une forêt depuis une perturbation majeure, notamment les feux de forêt, mais aussi une coupe forestière, une coupe totale qui va retirer tout couvert forestier. Donc on dit vieux parce que c'est ce qui met du temps à développer, ce qui développe tout à la fin. Même si le terme vieux, souvent, on met un peu l'idée que c'est mourant, que c'est moribond. Alors, ce n'est pas le cas, c'est juste que c'est final. Ces habitats sont surtout caractérisés par la complexité de leur structure. De jeunes pousses côtoient de vieux arbres, tandis que le sol est jonché de troncs morts et de souches. Le tout forme un équilibre naturel parfait pour héberger des espèces d'insectes, de lichens, d'oiseaux ou de champignons qui nécessitent des habitats stables et peu perturbés. Parce qu'on va trouver des espèces qu'on ne va pas voir dans les forêts plus jeunes, dans les forêts aménagées, parce qu'il n'y a pas ces habitats-là dont elles ont besoin. Le cas le plus marquant, c'est vraiment le bois mort. Longtemps, on croyait que le bois mort, c'était vraiment quelque chose à retirer des forêts, parce que c'est sale, ça amène des pestes, c'est vraiment pas bon. Mais ce qu'on a vu, en fait, justement, en Scandinavie, où ils ont vraiment retiré le bois mort de partout, ils ont fait des forêts extrêmement propres, ils ont remarqué que tu avais un quart des espèces dont la population diminuait. Et c'est parce qu'en fait, un quart des espèces forestières dépendait du bois mort. Et en retirant le bois mort, on a vraiment tellement supprimé un habitat important, et donc tout un réseau trophique derrière, un réseau d'espèces, que ça a eu des conséquences extrêmement néfastes sur la biodiversité. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va voir. On va vraiment avoir des cortèges particuliers, des conditions particulières qui font qu'on aura des espèces elles-mêmes particulières. Des décennies sont nécessaires pour qu'une forêt atteigne son stade final et devienne une vieille forêt. Or, à l'heure actuelle, le régime forestier québécois peine à prendre en compte ces variables. L'évaluation du volume de bois exploitable se fait sur le court terme ou le moyen terme. En parallèle, des événements naturels qui jouent un rôle important au niveau des écosystèmes forestiers, comme par exemple les épidémies de la tordeuse du bourgeon de l'épinette, deviennent des prétextes pour autoriser des coupes supplémentaires. C'est toujours un peu compliqué parce que, très clairement, il y a eu du changement Il y a quand même eu du changement avec avant l'aurore boréale, après l'aurore boréale, il y a eu du changement, mais ce que je dirais, c'est que les changements sont sans doute peut-être pas suffisants parce que, il y a une démarche. Par exemple, maintenant, on fait ce qu'on appelle l'aménagement forestier écosystémique, on essaie un peu plus de se rapprocher des écosystèmes parce que l'aurore boréale avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On a après la commission Coulombe qui avait apporté beaucoup de solutions pour justement trouver une meilleure concertation. Mais parmi les solutions, par exemple, qui ont été proposées, beaucoup ont été abandonnées, il y a des transformations qui ont été faites, puis. Mais on n'a pas, je dirais qu'on n'a pas encore eu de. On a une amélioration, mais qui est peut-être trop timide sur la façon même dont on perçoit, dont on gère, dont on met des objectifs sur les vieilles forêts, ou même sur la durabilité au sens large. Parce que si on regarde en termes de bois, en termes de production de bois, c'est sûr que l'aménagement forestier au Québec est durable. On va pouvoir produire du bois. Ça, si on parle juste de possibilités forestières, ça, c'est bon. Mais si on parle vraiment de durabilité au sens réel, où il faut considérer l'environnement, il faut considérer toute la société, donc aussi bien les autochtones que les autochtones, là, c'est encore beaucoup mis en question. Il y a encore sans doute des efforts à faire à ce niveau-là. Que ce soit sur les berges de la Péribonka ou aux confins de la forêt boréale québécoise, les géants sylvestres sont de plus en plus menacés. Et avec eux, c'est tout le monde vivant qui risque de s'effondrer. Il est depuis longtemps reconnu, autant par les scientifiques que par les acteurs sociaux, que l'activité humaine est la principale cause de la chute de la biodiversité. Le territoire québécois est exploité de façon industrielle depuis maintenant 4 siècles, et même si les techniques de récolte évoluent constamment, les erreurs du passé marquent toujours, de leur empreinte indélébile, les vastes étendues boréales. Peu de vestiges subsistent de cette époque où la main humaine n'avait qu'un impact minime sur le territoire. Seule la mémoire et l'imagination permettent de retracer ce que pouvait être alors le paysage. Dans Koukoum, le journaliste et auteur innu Michel Jean écrit: c'est difficile d'expliquer le territoire avant, le bois avant la coupe à blanc, la péribonka avant les barrages. Il faut imaginer une forêt sautant d'une montagne à l'autre jusqu'au-delà de l'horizon. Visualiser cet océan balayé par le vent, réchauffé par le soleil. Un monde où la vie et la mort se disputent la préséance et au milieu duquel coule, entre des berges sablonneuses, ou entre des falaises austères, une rivière qui ressemble à un fleuve. C'était Le chemin creusé par des géants, un reportage de Paul Fontaine produit avec l'assistance de Renaud Chicoine-McKenzie. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Merci également à notre recherchiste, Daphné Saint-Louis Ventura. Notre musique originale est composée par Hugo Méran et cette émission est co-réalisée par Paul Fontaine et moi-même, Renaud Chicoine-McKenzie. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je suis Renaud Chicoine-McKenzie et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM pour être à nouveau à l'écoute du territoire. D'ici là, joyeux Noël!